Très très fort le Charleston, hein. Le Charleston. Oula, j'ai du mal à causer là. Mais fort, ouais, le Charleston, j'y arrivais. Et très fort. Là. Très bon. Bien. C'est difficile à faire ça. Excuse, je cause trop là. I follow.